Première partie, chapitre troisième de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Première partie, chapitre troisième. Que la dévotion convient à tous les états de la vie. Le Seigneur Créateur commanda aux arbres de porter du fruit, chacun selon son espèce. Et il commande encore à tous les fidèles, qui sont les plantes vivantes de son Église, de faire de dignes fruits de piété, selon leur état et leur vocation. Car les règles n'en sont pas les mêmes pour les gens de qualité et pour les artisans, pour les princes et pour le peuple, pour les maîtres et pour les domestiques, pour une femme mariée et pour une fille ou pour une veuve. Et il faut même accommoder toute la pratique de la dévotion à la santé, aux affaires et aux devoirs de chaque particulier. En vérité, Philothée, serait-ce une chose louable qu'un évêque fût solitaire comme un chartreux, que les personnes mariées ne pensassent pas davantage à amasser du bien que des capucins, qu'un artisan fût assidu à l'office de l'Église comme un religieux l'est au cœur, et qu'un religieux fût autant exposé à tous les exercices de la charité envers le prochain qu'un évêque? Cette dévotion ne serait-elle pas ridicule, déréglée et insupportable? Cependant, c'est ce que l'on voit souvent, et le monde, qui ne sait pas faire ou qui ne veut pas faire ce discernement, entre la dévotion et l'indiscrétion des personnes qui la prennent de travers, la blâme avec beaucoup d'injustice. Non, Philothée, la véritable dévotion ne gâte rien, et même elle perfectionne tout, de sorte que, si elle répugne au devoir légitime de la vocation, elle n'est qu'une fausse vertu. L'abeille, dit Aristote, laisse les fleurs dont elle tire son miel, aussi fraîches et aussi entières qu'elle les a trouvées. Mais la véritable dévotion fait encore mieux. Non seulement elle ne blesse en rien les devoirs des différents états de la vie, elle leur donne même un nouveau mérite, et elle en fait le plus bel ornement. L'on dit que, si l'on jette dans le miel quelques pierreries que ce soit, elles y prennent toutes plus d'éclat qu'elles n'en ont, sans qu'aucune y perde rien de sa couleur naturelle. C'est ainsi que la piété, étant bien établie dans les familles, tout en devient meilleur et plus agréable. L'économie en est plus plausible, l'amour conjugal plus sincère, le service du prince plus fidèle et l'application aux affaires plus douce et plus efficace. C'est une erreur et même une hérésie que de vouloir bannir la vie dévote de la cour des princes et des armées, de la boutique des artisans et de la maison des personnes mariées. Il est bien vrai, Philothée, que la dévotion purement contemplative, monastique ou religieuse ne peut subsister dans ces états. Mais il est des dévotions d'un autre caractère et très propres à perfectionner ceux qui y vivent. Abraham, Isaac, Jacob, David, Job, Tobie, Sarah, Rebecca, Judith, nous en font d'illustres exemples dans l'Ancien Testament. Et depuis ce temps-là, Saint Joseph, Lydia et Saint Crépin ne se sont-ils pas sanctifiés dans leur boutique? Sainte Anne, Sainte Marthe, Sainte Monique, Aquila et Prisca dans leur ménage? Le centenier Cornelius, Saint Sébastien et Saint Maurice dans les armées? Le grand Constantin, Sainte Hélène, Saint Louis, Sainte Amée et Saint Édouard sur le trône? Il est même arrivé que plusieurs ont perdu la perfection dans la solitude, toute favorable qu'elle est à la sainteté. Et l'on en a vu d'autres qui l'ont observé dans le monde, dont le commerce lui est fatal. Lot, dit Saint Grégoire, perdit dans la solitude cette admirable chasteté qu'il avait conservée au milieu d'une ville corrompue. Enfin, quelque place que nous occupions, nous pouvons et devons toujours aspirer à la perfection. Fin du chapitre troisième. Première partie,